En attendant le vent du large, je vais dans le bal du faubourg, boire de la bière et de la cachasse, danser la nuit, dormir le jour. Onde estará? Cheio de amor, vive a cantar. Não fique triste, ele vai voltar. Je suis marin, un peu artiste. J'aime les ports que tu aimas. J'aime l'amour et la musique. Ne sois pas triste, on se reverra. Je suis marin, ele é artista. J'aime les ports. Onde estará? Artista, vive no esporte, onde está? Cheio de amor, vive a cantar. Ne sois pas triste, on se reverra. Ils m'ont dit que tu hésites. Bah, toi et moi, à deux, cela se résumera en amitié. Alors je t'ai dit, c'est un véritable amour. Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu te figes? Viens dans mes bras, laisse l'amour. Mais pourquoi veux-tu me juger? Ah non, doudou, ne sois pas figé. Viens dans mes bras, comprenne, Seji. Wer, Vanna et Métis, Métis, hein, la charmante Métis, je vous en reparlerai un jour. Wer, Vanna, dis-moi qu'on s'en va hésite. Vous pouvez moyen de séquer à mité. En tout cas, sans l'or, vous comprenez sécher. Pourquoi pas fichu? Vini ou pas en moi. Laissez la moucha et moi. Mais pourquoi vous jugez moi? Non, tout nous pas fichu. Vini ou pas en moi. Et depuis tout putain malade, ouais, ben vous même savez ça. En capété balassi, ou après si qu'on vignesta. En vais posséder que Yahweh la reste c'est basta. En vais dominer ou bien fouiller mon lève à ou ça. En vais péter balle encore. L'amour là c'est nous et sous d'accord. Baby gal ou tu nickelé à terre, moi. Baby ou c'est ange moi. Garçon c'est waye ou c'est reine moi. Yo dis moi qu'on ça ou pas hésiter. Vous et moi y'a des séquelles à mité. En tout cas sans l'or, vous comprenez sécher. Pourquoi pas figer? Vini ou pas. Mais pourquoi me juger moi? Non, nous ne pas fiche, venez moi voir moi. Combien de fois j'attends ça, rendez-moi pas donner encore. Vous chaisez en moi pour autant, puis recommencez encore. En plus, c'est ça ouvre ou arrogant, ou vraiment arrogant. Ça pas qu'à ben moi envie, mais au plus fort. Combien de fois j'abats en chance, mais vite sort pas ou vient trouver. Tout veut faire moi et tomber là. Ou bah histoire nous ensuite. Ça fait qu'un moi c'est tard, qu'un moi c'est tard. Tu faisais en moi couler bas, couler bas. Yo dis-moi qu'on s'en va hésiter. Vous et moi y'a des séquelles à pitié. En tout cas sans l'or vous comprenez sécher. Pourquoi pas figer? Venez moi voir en moi. Laissez la moucha et moi. Mais pourquoi me juger moi? Non nous ne pas figer. Venez moi voir en moi. Et y'a que bao l'amour. Vous savez bien number one c'est vous. En ayant celle qui a celle place. En j'ai dit vous c'est à vous. Baby okay, bao l'amour. Depuis où bao moi love tous les jours. En celle qui a moi ni en celle place. En j'ai dit vous c'est à vous. Yeah. Parlez ces flammes là et t'aimes parce nous n'y chantons. C'est vrai non moi, c'est vrai non moi. Nous n'y chantons. C'est vrai non moi, c'est vrai non moi. Yo dis-moi qu'on s'en va hésiter. Vous et moi y'a des séquelles à pitié. En tout cas sans l'or vous comprenez sécher. Pourquoi vous graffigez? Venez moi bras en moi. Laissez la moucha et moi. Mais pourquoi vous jugez moi? Non nous deux pas figez. Venez moi bras en moi. C'est vrai non moi, c'est vrai non moi. Dis-moi qu'on s'en va pas hésiter. Vous et moi y'a des séquelles à pitié. En tout cas sans l'or vous comprenez sécher. Pourquoi vous graffigez? Venez moi bras en moi. C'est vrai non moi. Laissez la moucha et moi. Retour en Bretagne, une côte sauvage qui s'étend sur de très nombreux kilomètres, des stations balnéaires comme la ville Chicos de Dinard,